Chapitre 24e. Au milieu de ses occupations diverses, Madame Bougenny attendait avec impatience une lettre de son mari répondant à sa question « Denise est-elle ou n'est-elle pas la fille du marquis ?» Le capitaine, 8 ou 10 jours après avoir reçu cette lettre, avait répondu à sa femme qu'il était comme toujours disposé à faire ce que sa petite chatte chérie lui demandait, bien que la recherche de la paternité, alors que la mère était une femme comme Emma Lajolet, lui parut la chose la plus folâtre du monde. Mais pour le moment, il avait un empêchement absolu à ce qu'il pût s'acquitter de cette commission. Il venait de se faire rincer d'une façon effroyable, et il était sans le sou. Dans ces conditions, comment entreprendre des démarches dans un monde où l'on soupe volontiers? Elle le connaissait, et elle savait qu'il ne s'exposerait jamais, lui, le capitaine Beaujonnier, à refuser un souper à une femme qui, sur le coup de minuit, avait les dents longues. Si un de ces jours, la petite chatte chérie pouvait lui envoyer quelques billets de 100 francs, sans charger la lettre, bien entendu, à cause du propriétaire, il verrait à lui rendre le service qu'elle réclamait si gentiment. La petite chatte chérie, qui connaissait bien son vieux cap, n'avait pas été surprise par cette lettre, mais elle avait été vivement contrariée, car elle n'avait pas les quelques billets de 100 francs qu'il demandait, et sans lesquels elle savait parfaitement qu'il ne ferait rien. Sur l'argent que le marquis lui avait remis à Paris, elle n'avait pu conserver qu'un louis, et ce louis, elle l'avait employé, en arrivant au château, comme gratification au domestique qui lui avait monté sa malle. Sans doute la générosité était excessive, mais c'était son système de procéder ainsi. Lorsqu'on s'est fait habilement une réputation de générosité, on peut impunément et pendant longtemps faire toutes sortes de petites économies. Et pour elle, ces économies étaient obligées, jusqu'au jour où le marquis lui payerait ses appointements. Fractionné en petites sommes, son louis lui rendut moins de services que dépensé à propos d'un seul coup. La cuisine et l'office avaient été mis en révolution par ce pourboire, et des bavardages il en était résulté chez les gens du château une disposition à la bienveillance pour l'institutrice. Ce n'était pas une rien du tout. Comment se procurer quelques billets de 100 francs? Il y avait là pour elle une impossibilité absolue, car sous peine de compromettre sa situation, elle ne pouvait pas demander une nouvelle avance au marquis. Elle avait donc dû attendre qu'on lui payât son mois, et alors, sans un mot de reproche et sans parler du sacrifice qu'elle s'imposait, elle avait envoyé au capitaine les quelques billets exigés par celui-ci, ne se réservant rien pour elle. Le présent n'était rien, c'était de l'avenir qu'elle avait souci, et cet avenir, elle pouvait se l'assurer brillant si elle savait manœuvrer habilement. Un mois après, elle avait enfin reçu la réponse si impatiemment désirée. « J'ai mis du temps à t'écrire, » disait le capitaine, « mais tu es assez fine pour comprendre que la commission que tu m'avais donnée n'était pas commode à remplir. Quand je demandais à ce que je croyais pouvoir interroger si le marquis de Rudemont était le père de la fille d'Emma Lajolet, je me faisais accueillir d'une façon peu encourageante. Les hommes haussaient les épaules ou me tournaient le dos, les femmes me riaient étonnées et se moquaient de moi. Est-il naïf, ce brave militaire? On voit bien qu'il est marié. » Et d'autres blagues qui me vexaient. J'allais renoncer à cette enquête quand le hasard m'a fait rencontrer Balbine du Palais Royal, qui a été l'amie intime d'Emma Lajolet. Bonne fille, cette Balbine, et bavarde comme une pie. Je n'ai eu aucun mal à la faire causer, et à propos de ton élève, elle m'en a raconté une bien bonne, dont on m'avait déjà d'ailleurs dit quelques mots, qui me faisait désirer vivement connaître l'histoire entière. Quand Emma Lajolet comprit qu'elle était perdue, elle s'inquiéta de sa fille, qu'elle avait placée dans une pension loin de Paris au fond de la province. Qu'allait devenir la petite? La question était d'autant plus urgente que Lajolet, ruinée par Otto, ne laissait que des dettes. Ce fut alors qu'elle eut l'idée, pour assurer le sort de l'enfant, d'écrire à 3 personnes qui pouvaient être le père de la petite fille, se disant qu'il faudrait vraiment un guignon incroyable pour que sur 3, il n'y en eut pas un moins qui répondît. Ces 3 personnes étaient, premièrement, le général Cornaton, qui commande à Strasbourg, deuxièmement, un industriel de Lille, nommé Chevin, troisièmement, enfin, notre marquis. Ce qui aurait été drôle, c'eût été que les 3 pères arrivassent en même temps, et que chacun d'eux réclamât la petite avec une égale énergie. « Ma fille, ma fille, ma fille, tableau !» Ça aurait fait une nouvelle édition du Jugement de Salomon, revue et augmentée. Mais ces histoires-là n'arrivent que dans les livres. La vie ordinaire est moins drôle, et dans la réalité, quand on demande 3 pères pour un enfant, il y a bien des chances pour qu'aucun ne réponde à l'appel. Lajolet n'eut pas cédé d'ébène et notre marquis se présenta. Ceci indique tout d'abord que c'est une bonne patte d'homme et, ce qui confirme cette indication, c'est qu'il s'est laissé persuader qu'il était le père de la petite. En est-il vraiment persuadé? Balbine ne l'affirme pas, mais il me semble que les faits se chargent eux-mêmes de cette affirmation. Il va chercher la petite en province, il la prend près de lui, il lui donne une institutrice, enfin il l'adopte. De là à ce qu'il la reconnaisse, il n'y a pas loin. Voilà mon histoire. Il me semble qu'elle vaut mieux que tes pauvres méchants petits billets. Si tu en juges ainsi, tu feras en sorte de me prouver ta reconnaissance. Si j'avais gardé les additions de mes soupers, tu serais effrayé de ce qu'ils m'ont coûté. C'est effrayant comme tout est cher maintenant. À cela, Clémence avait répondu à son mari que cette histoire, telle qu'elle était contée par lui, valait juste les billets envoyés. Mais que s'il pouvait la faire raconter par Balbine elle-même, dans une lettre, elle était disposée à payer cette lettre le mois prochain, exactement le même prix qu'elle avait par avance payé son récit verbal. Puis, craignant que le capitaine ne parvint pas à obtenir cette lettre, malgré le prix qu'elle en offrait, elle lui avait indiqué un moyen de la demander. « Pour ne pas éveiller les soupçons de Mademoiselle Balbine, lui dit-elle, ou même ses scrupules, tu lui expliqueras que tu as fait un pari. Il faut toujours tirer parti de ses défauts comme de ses vices. C'est avec eux qu'on réussit et non avec ses qualités. Balbine, qui doit te connaître, sait que tu es le jeu même. Quand tu lui diras que tu as raconté l'histoire des trois pères de la fille de la Jolet, et que, comme on ne voulait pas te croire, tu as parié que tu apporterais la preuve que tu n'avais pas inventé toi-même cette histoire, elle n'entrera pas en défiance. Puis, si tu t'y prends bien, il est probable qu'elle consentira à t'écrire cette histoire afin de te permettre de faire ta preuve dans un monde où l'on ne peut pas l'amener comme témoin, et ainsi de gagner ton pari. » Cette lettre écrite au capitaine, Clémence avait longuement examiné la question de savoir ce qu'elle ferait de la réponse de Balbine lorsqu'elle l'aurait entre les mains, et du secret dont elle se trouvait maîtresse. Il était bien certain que, si ce secret arrivait d'une façon quelconque à la connaissance du marquis, ses dispositions, ou tout au moins ses sentiments pour Denise, seraient changés. Avait-elle intérêt à ce qu'il connût ce secret? Pour elle, toute la question était là. Depuis qu'elle était au château, soit par ses propres observations, soit par des interrogations habilement dirigées, elle avait fini par se rendre compte de la situation au milieu de laquelle le hasard l'avait jetée, et par comprendre quels étaient les sentiments cachés des personnages qui agissaient autour d'elle. Ainsi, elle avait appris que, jusqu'à l'arrivée de Denise à Rudemont, Madame Hérault et M. de Carquebus avaient vécu dans l'espérance de devenir les héritiers du marquis, et que c'était cette espérance qui, par la communauté des intérêts, avait toujours maintenu entre eux de bons rapports, alliés pour la chasse, malgré l'opposition de leur nature. Puis, elle avait vu cet accord qui avait duré pendant 10 longues années se rompre brusquement sous ses yeux et les deux alliés devenir adversaires. Les raisons de cette rupture, elle avait été longtemps à les comprendre, car lorsqu'un danger devient menaçant, il n'est pas logique qu'on s'en sépare, mais peu à peu, elle était arrivée à les deviner. La communauté d'intérêts qui avait fait l'alliance entre le frère et la sœur n'avait plus existé le jour où le marquis avait pris près de lui une enfant qui paraissait être sa fille, car sa fortune, qui jusqu'alors avait légalement appartenu à ses héritiers, avait de ce jour appartenu à cet enfant. De là, une rupture qui tout d'abord paraissait inexplicable et qui cependant, avec un peu d'attention et de réflexion, s'expliquait parfaitement. Obéissant à son caractère, M. de Carquebus ne voyait et ne voulait qu'une chose, se débarrasser de Denise par un moyen quelconque. S'il n'avait point jusqu'ici tenté cette aventure d'une façon sérieuse, c'est qu'il n'avait pas encore trouvé le moyen. Plus douce, surtout plus habile et plus pratique, Madame Hérault pensait au contraire à tirer tout le parti possible d'une situation nouvelle qui était venue la surprendre mais non l'effrayer. Pendant 10 années, elle avait calculé qu'elle aurait sûrement la moitié de la fortune du marquis et peut-être même toute cette fortune si son frère venait à mourir avant elle. Maintenant, elle voyait qu'en manœuvrant bien, elle pouvait faire passer cette fortune entière entre les mains de son fils. Pour cela, il n'y avait qu'à marier Louis avec Denise, si, comme tout semblait l'indiquer, Denise était la fille du marquis. Par là, son frère se trouvait privé de la moitié de l'héritage sur laquelle il avait compté. Mais ce n'était pas de son frère qu'elle avait souci, c'était de son fils qu'elle adorait, et pour lequel elle avait si ardemment désiré cette fortune. Entre ces deux parties adverses, Comment Clémence devait-elle agir? Devait-elle mettre aux mains de M. de Carquebus le moyen de se débarrasser de Denise? Devait-elle, au contraire, prouver à Mme Mérot qu'elle pouvait empêcher le marquis de laisser sa fortune à Denise? La question était délicate. Où se trouvait pour elle l'avantage? M. de Carquebus était un paysan retors et madré, en qui l'on ne pouvait se fier, et qui était homme à ne pas remplir les engagements qu'il aurait pris. Une fois qu'il connaîtrait la lettre de Balbine, comment l'obliger à payer cette lettre à sa valeur s'il ne donnait qu'un prix dérisoire? D'un autre côté, comment Mme Mérot accepterait-elle la révélation du secret relatif à la naissance de Denise? Voudrait-elle que ce secret restât caché, de manière à laisser le mariage se poursuivre? Au contraire, ne voulait-elle pas qu'il fût divulgué, de manière à remettre les choses au point où elles étaient avant l'arrivée de Denise? Les deux alternatives étaient également possibles. Pour deviner celle que Mme Mérot adopterait, il aurait fallu savoir s'il considérait ce mariage comme un avantage à cause de la question d'argent ou comme un expédient à cause de la question de naissance. Et cela, Mme Beaujonnier ne l'avait pas encore deviné. Elle en était là dans ses hésitations, n'osant aller ni vers le frère ni vers la sœur, lorsque certains petits faits vinrent la décider à les abandonner l'un et l'autre et à se tourner entièrement du côté du marquis.